travers des années de pluie, des jours où la lumière désertait ma vie. J'ai chanté malgré tous ces temps gris, le cœur tout à l'envers, le jour comme la nuit. Moi j'ai pris la route des milliers de fois, combattu le doute et gardé la foi. J'ai chanté l'amour parce qu'au fond de moi, il n'y a rien qui compte plus que ça. Et puis les chansons, c'est comme des éclats de passion jusqu'au bout de mes doigts. Tous ces sentiments qui habitent ma voix quand je chante, voilà pourquoi je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. J'ai passé ma vie à chanter les saisons, faut que ma famille ait une maison. Moi de la musique que j'ai fait ma vie, je suis devenue mère, une femme aussi. Y a eu des combats, des chambardements, on a tous un chemin de croix. Mais bien au-delà des blessures du temps, moi je chante pour toi. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. L'émotion est notre seule voix. Pas de faux semblant qui tiennent ici bas sur la scène à chaque fois.